Sonnet de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Sonnet. Je vous aime du jour où je vous vis passer. J'étais insouciant, penché sur ma fenêtre. Quel souffle tout à coup a traversé mon être? Fatalité, bonheur? Je ne sais que penser. Mais dans mon cœur où rien ne pourra l'effacer, sans craindre les rivaux, votre nom règne en maître. Mes tourments incessants, les savez-vous? Peut-être. Et si vous les savez, les ferez-vous cesser? Oh, trois fois malheureux! Les lois de l'hyménée au bras d'un vieux mari vous tiennent enchaînés. Si vous pouvez l'aimer, soyez heureux ainsi. Mais si vous gémissez, désillusionné, à vivre sans amour vous sentant condamné, songez à moi, madame, et meurt mon souci. Fin de Sonnet, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.